De George Harrison pour son pote John Lennon, bien entendu. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 426. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire qu'aurait pu avoir John, s'il avait vécu, s'il ne s'était pas arrêté avant à cause de ce crétin, et je ne m'étendrai pas dessus. Donc c'est du 100% Lennon dans cette saga spéciale, avec quand même un album de la semaine, l'album Man Love Avenue, sorti en 1986. On écoutera Here We Go Again, Rock and Roll People, Angel Baby, Since My Baby Left Me, To Know Her Is To Love Her et Steel and Glass dans une version alternative. On écoutera d'ailleurs les deux versions, celle de Man Love Avenue justement, et celle de l'album Walls and Bridges. Voilà, pour le reste, que du Lennon ou du Lennon avec les Beatles. Vous verrez ça au fur et à mesure de la progression de cette émission. Pour le reste, vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. On a quand même 736 membres, c'est sympa. Je dirais presque heureusement que les 736 membres n'interviennent pas tous les mercredis soirs, parce que sinon ça ferait un joli bordel. Mais pour tous ceux qui interviennent, déjà merci à vous. Et tous ceux qui écoutent sans intervenir, je le sais, puisque moi j'écoute d'autres radios et je n'interviens pas sur ces radios-là. Donc merci à vous tous et toutes d'écouter soit sur 90.7, qui est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h, c'est RIG, ou sur www.rigfm.fr pour Bordeaux, mais pour la France et le reste du monde, voire peut-être même de l'univers, sait-on jamais, puisque paraît-il qu'on découvre de plus en plus de planètes et qu'on ne sait jamais, puisque c'est émis depuis Bordeaux, ça touchera peut-être les étoiles un de ces jours. Non, j'ai rien bu de particulier. Voilà, donc bon anniversaire Johnny, décidément, John Lennon, qui aurait eu 79 ans aujourd'hui. Bon anniversaire aussi à Sean, tiens, parce qu'il est né aussi le 9 octobre. Donc tout va bien. Bon anniversaire à lui. 9 octobre 75 pour Sean Lennon. Voici la fin du générique, que j'attendais avec impatience. On débute donc l'émission avec Here We Go Again, qui date des sessions de l'album Rock'n'Roll et qui n'avait pas été incluse, celle-là et d'autres, sur l'album à l'origine. We'll be right back. Nous sommes en 1969. Le 30 janvier, c'est le concert impromptu des Beatles sur le toit de l'immeuble Apple. Le 2 février, le divorce de Yoko Ono et de Tony Cox. Le 20 mars, John épouse Yoko Ono à Gibraltar et après un bref passage à Paris, ils s'envolent pour Amsterdam et font leur premier voyage de noces et font de leur premier voyage de noces leur premier bed-in pour la paix. Le 22 avril, John Winston Lennon devient, pour l'état civil, John Ono Lennon. Eh oui, ça c'était de l'amour. Hein. Le 26 mai, par contre, à Montréal, c'est le deuxième bed-in de John et Yoko, dont il résulte la chanson Give Peace a Chance. Cette chanson, on va l'entendre. Et c'est la dernière co-signée John Lennon, enfin Lennon et McCartney. Après, il a décidé d'arrêter, puisque de toute façon, c'est lui qui l'avait composé en entier. Et comme le groupe était en train de se désagréger, eh bien voilà, ce sera la dernière chanson co-signée Lennon-McCartney. Two, one, two, three, four. Il dit ok, c'était génial, on l'a fait, et c'est vrai qu'on l'a bien fait. Donc voilà, John Lennon avec Give Peace a Chance en 1969. Je vous propose Imagine, forcément, puisque c'est un spécial pour John Lennon, mais avec un petit plus. C'est un live rare d'un show télé en 1972. Voici Imagine sur RIG. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. YouTube, c'est là que je l'ai prise, j'avoue, eh bien, c'est que maman se tait, elle ne dit rien, et ça, c'est absolument génial. Butterfly, oh, I need her. je viens de donner un grand coup dans le micro. Je pense que vous avez tous entendu. Bref, c'est pas grave. Ce sera dans le podcast, je vais le laisser. C'était John Lennon à l'instant. J'ai voulu prendre un bouquin et j'ai donné un grand coup dans le micro. Voilà, donc aucun problème, tout va bien. Habituellement, je dis toujours, on a écouté Paul McCartney, Ringo Starr, blablabla. Là, on a écouté John Lennon, John Lennon, John Lennon et John Lennon. Mais on va quand même parler des Beatles parce que la chanson suivante, forcément, c'est John Lennon avec les Beatles. Et quand on parle des Beatles, on parle forcément du meilleur site, celui qui a plusieurs millions de visiteurs par jour. C'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur Beatles Magazine UK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ceux que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. Beatles Magazine UK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Sun. service of a villain. A few kisses of the bicycle of my mistress, stabbed her from behind. All right. Is he dead? Sit you down, father. Rescue. Nous sommes en 1967, la surprenante longueur de la chanson, plus de 4 minutes et demie, et sa structure décousue, doivent beaucoup au fait que I Am The Walrus soit un amalgame de 3 idées de chansons différentes sur lesquelles John travaillait à l'époque sans qu'elles lui paraissent suffisantes pour justifier un morceau entier. La première, inspirée par une sirène de police qu'il avait entendue dans le lointain depuis sa maison de Weybridge, commençait par les mots « Mr. City Policeman » et se poursuivait au rythme de la sirène. La deuxième était une chanson pastorale parlant de John dans son jardin de Weybridge. Et la troisième, un délire absurde dans la tradition du non-sens anglais où il est question d'être assis sur un flocon d'avoine. John s'amusa à embrouiller les gens en composant une chanson remplie d'allusions incompréhensibles et incohérentes. Il demanda à Shotton, qui était un ami, de lui rappeler le genre de paroles de chansons que les enfants inventaient dans les cours d'école et écrivit « Yellow Mother Coaster, Green Slope Pie, all mixed together with a dead dog's eye, slap it on a beauty 10 foot thick, then wash it all down with a cup of cold sick. » C'est dur, hein? Ça veut dire globalement de la crème anglaise jaune et un gâteau à la pâté verte, mélangé avec l'œil d'un chien mort, fait en un sandwich de 3 mètres d'épaisseur, et fait les passer avec une tasse de vomi froid. Bon appétit si vous êtes en train de manger. John imagina ensuite des images absurdes, Sam Rinder Pilcher, des Pilcher en smoule, me demandez pas ce qu'un Pilcher, je ne sais pas. Elementary Penguin, des pingouins rudimentaires, et inventa des mots sans aucun sens, Texpert, Crabble Locker, avant d'ajouter une introduction qu'il avait écrite sous acide. Il mélangea tout cela avec les 3 chansons inachevées qu'il avait montrées à Hunter Davis, c'était le biographe des Beatles, et il dit, excusez-moi, c'est lui qui le dit, John Lennon, « Voyons ce que ces connards seront capables de trouver là-dedans », aurait-il dit donc à Pete Shotton lorsqu'il eut terminé. Quand le journaliste de Playboy, oui, parce que j'ai eu cette interview, non pas acheté dans Playboy, j'ai acheté le livre après, dans lequel il y avait l'interview, donc quand ce journaliste lui demanda d'expliquer à I Am The Walrus quelques 13 ans plus tard, en 1980, John répondit que Dylan avait parfois frisé l'escroquerie dans ses paroles sans jamais se faire prendre, et qu'il s'était dit qu'il pouvait le faire aussi. Le pingouin rudimentaire qui chante Hare Krishna est une pique contre Allen Ginsberg qui, à l'époque, chantait le mantra Hare Krishna lors de ses lectures publiques. L'enregistrement de I Am The Walrus débuta le 5 septembre et se poursuivit de façon irrégulière durant tout le mois. Parce que George Martin essayait de trouver, écoutez bien, un équivalent musical aux mots et aux images de John. Il fait appel pour cela à des violons, des violoncelles, des cuivres, des clarinettes et un ensemble de 16 choristes en plus des Beatles eux-mêmes. Je pense que la tâche a dû être rude pour George Martin. Là, c'est basique. Rock and Roll People, extrait de Men Love Avenue sur RG. Ce soir, on rend hommage à John Lennon. Ça aurait été son 79e anniversaire aujourd'hui. Well, please, 21, we're out.

a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul, touch the windows of my soul. Just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Cette chanson, pendant longtemps, est restée du côté des pirates, je l'avais à l'époque, jusqu'à ce qu'ils nous sortent enfin le coffret des 50 ans de l'album blanc, avec ces démos qui étaient restés sous le manteau jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est officiel, on peut les sortir tout à fait officiellement. Cette chanson est restée dans les tiroirs, pourquoi ? Parce qu'elle ressemblait un peu à Mother Nature's Son dans le thème, dans le style, dans tout ce qu'on veut. Et donc, ils avaient préféré ne pas la sortir. Seulement John Lennon, lorsqu'il tient une bonne chanson, mais c'est pas le seul. George Harrison a fait ça aussi, Paul McCartney fait ça aussi. Ringo, j'en sais rien. Mais bon, on peut admettre peut-être qu'il peut garder des morceaux en tête si jamais il compose un tout petit peu. Mais bref, John Lennon a gardé l'air. Il l'a ressorti en 1971 sous le titre Jealous Guy, en changeant évidemment complètement les paroles. Voici la chanson. Began 90.7 en FM si vous nous écoutez dans la région bordelaise. www.rigfm.fr pour le reste du monde. C'est RIG que vous écoutez, c'est la saga des Fab Four numéro 426. Une émission qui existe depuis 1984, ça ne nous rajeunit pas. Et on rend hommage ce soir à John Lennon qui aurait eu 79 ans aujourd'hui avec ses chansons, le meilleur de ses chansons, une partie du meilleur de ses chansons forcément. En deux heures, c'est un peu court. Et on va prendre un petit peu d'avance sur Noël, puisqu'il avait chanté cette chanson-là. Happy Christmas, war is over, if you want it. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. En avance, John. Happy Christmas. Mais surtout, ce qui m'intéressait aussi, c'était War is over if you want it. Et ça, malheureusement, plus de 40 ans après, ça reste encore valable et ce serait bien qu'un jour,

down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields. C'est le lien, le symbole de son désir de solitude à John Lennon, du sentiment qu'il avait de se tenir à l'écart de ses contemporains. Strawberry Fields exprime la vision du monde très subjective de John, de son impossibilité de la partager. À ce titre, la première version des paroles était plus claire encore. Il disait alors que personne n'était sur sa longueur d'onde. Lorsqu'il l'enregistra, il adoucit le texte de peur peut-être de paraître trop prétentieux et chanta que personne n'était sur le même arbre que lui. Une image un peu plus obscure, mais compréhensible quand même. Durant une interview accordée à Playboy, en 1980, John dit à David Sheff qu'il lui arrivait, lorsqu'il était enfant, de voir des images hallucinatoires sur son visage en se regardant dans un miroir. Et ce n'est que plus tard, en découvrant les œuvres des surréalistes, qu'il comprit qu'il n'était pas fou, mais qu'il faisait partie de ceux qui voyaient le monde de cette façon. Yeah. yourself. You only got one, and a dog's life ain't fun. Mama, take a look outside. We'll be right back. Et maintenant, je vais plomber l'ambiance avec le dernier morceau de l'album Plastic Ono Band. C'est un bref morceau qui clôt l'album et certainement la composition la plus simple que John ait jamais enregistrée. C'est également la plus effrayante, rendue plus glaciale encore par l'austérité de l'interprétation de John, qui chante comme un homme que la peine a vidé. C'est donc une fin appropriée pour l'expérience du cri primal, John s'étant purgé au point d'être tari pour mieux recommencer. Naturellement, My Mom Is Dead fait écho à la chanson d'ouverture Mother, les deux chansons parlant de sa mère encadrant l'album. La mort de Julia est ici considérée comme un événement si horrible que John ne pourra jamais exprimer toute sa peine. Il attribue généralement sa rage adolescente au sentiment réprimé qu'il avait ressenti à la mort de sa mère. Cette chanson ressemble étrangement à une transmission spectrale venue d'un lointain passé. Elle est jouée sur une petite guitare bon marché, sur des accords rudimentaires, et enregistrée sommairement comme sur un magnétophone primitif dans la chambre d'enfant de John. Le texte, qui ressemble à des paroles d'enfant, est simple et court, expliqua-t-il plus tard, parce qu'il a voulu écrire son propre genre de yaku. Je sais pas ce que c'est. C'est expliqué après. C'est poèmes japonais de trois vers. Voici la chanson que je pense n'avoir jamais passée. C'est My Mom Is Dead sur RIG. Voilà, content d'avoir mis l'ambiance. Voici l'album de la semaine à nouveau avec cette chanson « Since My Baby Left Me ». C'est Men Love Avenue, l'album. Ain't got no sleep. parler de l'album, non pas de l'album de la semaine, mais de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, et même si eux-mêmes faisaient déjà la reprise de quelqu'un, genre Chuck Berry ou quelque chose comme ça. La cover d'aujourd'hui est quelqu'un de connu, et connu également pour ses reprises bien spéciales. Il s'agit de Joe Cocker, sur l'album Across the Universe, paru en 1980 quelque chose, bougez pas, il suffit que je retrouve où elle est, en 2007, oulala, la bande originale du film Across the Universe, paru en 2007. Voici la chanson Come Together par Joe Cocker sur RIG. Early warning, he got mud British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Sur cette chanson-là, A Day in the Life, Phil Collins avait reconnu lui-même que ce morceau est très difficile pour le gars qui est à la batterie. Donc bravo également à Ringo Starr. On rend hommage à John Lennon pour son 79e anniversaire qui aurait eu lieu aujourd'hui, le 9 octobre, en lui consacrant l'intégralité de la saga des Fab Four. Voici un nouveau titre, extrait de Milk and Honey en 1984, c'est I Don't Wanna Face It. Spy Hickle Pickle. We'll be right back. Retournons en 1975 et ce superbe album Rock and Roll. Voici Slippin' and Sliding sur RIG. c'était extrait de l'album de la semaine, l'album Men Love Avenue, sorti en 1986. Et c'était To Know Her Is To Love Her. Voici un bon blues, non pas un bon blues, le blues de 1968, Year Blues sur RIG. En 1973 sur Mind Games et I know sur RIG. Je sais, je sais. I know what Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. One, two, one, two, three, four. Phase B, en 1975, John Lennon à l'instant. On lui rend hommage aujourd'hui, le 9 octobre, puisqu'il aurait eu 79 ans. Il y a par contre son fils, Sean, qui est né le même jour. C'est quand même extraordinaire, hein. Il est né le même jour, mais en 1975, c'est son anniversaire aussi. Je ne passerai pas de chanson de Sean, tout simplement parce que je n'en ai pas. Mais c'est pas grave, voici... Eric, la saga des Fab Four, c'est John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison, voilà. Je n'ai pas passé de chanson de Danny Harrison, je crois pas, ou alors si, j'avais fait dans la cover, oui, dans la cover, parce qu'il reprenait. Mais et Julian Lennon, j'en ai rarement passé également. Bon, on se dépêche, hein, parce que dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Voici Steel and Glass, deux fois, la version de l'album Walls and Bridges et la version de Men Love Avenue, qui est une version alternative, à vous de juger. de vous le dites, qu'il y a un petit relent de How Do You Sleep dans les violons qu'il y a derrière. Je vous propose, puisqu'on écoute la même chanson, de passer la version alternative de la même chanson, Still in Glass, que l'on entend sur l'album Men Love Avenue. Un petit peu pour pouvoir aller jusqu'au bout et rendre l'antenne à l'heure. Voici Come Together, la prise numéro 5, vous savez, du nouvel album Abbey Road qui est numéro 1. Numéro 1 en Angleterre, j'adore. Ok, sorry. Yes, I get very involved, you know. 1, 2, 1, 2, 3, 4. To be disease come together. Over me. Doris Duckers. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics. He's got Hot Rod Bowley. Et on va terminer l'émission avec l'une des plus belles chansons de John. L'hommage aux femmes. Woman sur RG. John Lennon. Merci à vous d'avoir écouté cette 426e édition de la saga des Fab Four. Je vous laisse entre de très bonnes mains celle du très puissant et costaud Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.